إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit donc hein, l'explication des fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a et on est toujours dans le premier fondement qui est l'explication des six piliers de la foi. On est arrivé au sixième pilier qui est la foi en les messagers. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah il dit wal iman bil rusul يعني التصديق بهم جميعا من سمى الله منهم ومن لم يسمي من أولهم إلى آخرهم آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالرسل إيمان مجمل والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل واعتقاد أنه خاتم الرسل فلا نبي بعده ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر والإيمان بالرسل يعني أيضا عدم الإفراط والتفريط في حقهم خلافا لليهود والنصارى الذين غلوا وأفرطوا في بعض الرسل حتى جعلوهم أبناء الله كما قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Donc le cheikh il explique que le quatrième pilier de la foi c'est la foi en les messagers d'Allah. Et ça signifie de croire en tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés et de croire en ceux qui n'ont pas non plus été mentionnés. C'est-à-dire de croire en les messagers de façon générale, ceux qui ont été mentionnés dans la révélation et ceux qui n'ont pas été mentionnés également, on doit croire en eux de façon générale. Et en particulier le dernier d'entre eux qui est celui qui est venu compléter la révélation et sceller la prophétie, c'est notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et la foi en les messagers, comme on a expliqué, c'est une foi qui est générale, qui est une foi globale, tandis que la foi en notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une foi détaillée et une croyance qu'il est du fait de croire qu'il est le dernier d'entre les messagers qui a été envoyé à l'humanité et qu'après lui, il n'y aura pas d'autres messagers. Et celui qui ne croit pas en ça, c'est-à-dire qui ne croit pas en le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier des messagers, eh bien il est kafir. Donc tous ceux qui prétendent qu'il y a un autre messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont des kuffars, même s'ils se disent musulmans, même s'ils disent la ilaha illallah, même s'ils font la prière et le jeûne, ils ne sont pas musulmans. Comme les Qadianiyya, ou bien on les appelle aussi les Ahmadiyya. Hein? Ce sont des kuffars puisqu'ils disent que Ghulam Ahmad était un prophète. Hein, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même que ceux qu'on appelle les Black Muslims aux États-Unis, qui suivent Louis Farrakhan, qui prétendent que Elijah Muhammad était un messager pour les Noirs d'Amérique. Hein, donc ceux-là sont des kuffars, même s'ils se disent musulmans. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le Cheikh il dit, donc la foi en les messagers, ça signifie de croire en eux, mais sans faire d'exagération et sans faire non plus de diminution, c'est-à-dire dans le sens de diminuer les messagers, dans le sens de les dénigrer ou de manquer dans leurs droits, et sans exagérer non plus dans le sens que tu vas les élever, à un degré ou à un niveau qui est plus élevé hein, que celui qu'il mérite réellement, comme les chrétiens et les juifs qui ont exagéré au sujet de leurs prophètes et de leurs messagers jusqu'au point de faire d'eux des fils d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à leur sujet dans Surah At-Tawbah, et les juifs ont dit Uzair est le fils d'Allah, et les chrétiens ont dit Al-Masih est le fils d'Allah. Isa alayhi salam. Donc ça c'est des exemples hein, et le cheikh il mentionne, il dit والصوفية والفلاسفة فرطوا في حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أئمتهم عليهم والوثنيون والملاحدة كفروا بجميع الرسل واليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام والنصارى كفروا بمحمد ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. Donc le cheikh explique que les soufis, de même que les philosophes, ils ont manqué de respect envers les messagers d'Allah. Ils les ont rabaissés et ils ont préféré leurs shuyukh et leurs imams hein, aux prophètes d'Allah et aux messagers d'Allah. Comme les soufis, par exemple, qui prétendent que les awliya sont meilleurs que les anbiya, que les saints sont meilleurs que les prophètes. Et ils disent qu'il y a le sceau des saints, Khatimul Awliya, et qu'il est meilleur que le sceau des prophètes, Khatimul Awliya. Donc ça c'est des exemples de l'égarement de ces gens-là, et également des philosophes qui pensent qu'ils sont meilleurs que les prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, de même que les païens et les idolâtres et les athées qui ont rejeté tous les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. D'un autre côté, il y a également les juifs qui ont cru en certains prophètes et qui ont rejeté la foi en Isa ibn Maryam et qui ont rejeté également la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est l'exemple de la mécréance des juifs puisqu'ils ont rejeté deux d'entre les messagers d'Allah, et les Nasara, les chrétiens qui ont rejeté la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont donc mécru en l'islam et en Allah subhanahu wa ta'ala en refusant de croire en un d'entre les messagers. Donc le cheikh explique que si quelqu'un refuse la foi en un d'entre les messagers, c'est comme s'il a rejeté la foi en tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 150 et 151 dans Surah An-Nisa à ce sujet, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager et qui veulent faire une séparation entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et nous rejetons certains d'entre eux, et qui veulent prendre une voie intermédiaire entre ces voies, eh bien, ceux-là sont les vrais mécréants, ceux-là sont les vrais kafirun. Oulaika humul kafirun haqqa. Et dans l'autre verset, le verset 285, dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. C'est-à-dire qu'on croit en tous les messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est au sujet de ce quatrième pilier. Ensuite, le pilier numéro 5, c'est al-iman bil yawm al-akhir. يعني التصديق بكل ما يكون بعد الموت مما اخبر الله به رسوله من عذاب القبر ونعيمه والبعث من القبور والحشر والحساب ووزن الاعمال واعطاء الصحف باليمين او الشمال والصراط والجنة والنار والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة والتوبة منها. Donc le cheikh il dit que la foi en le jour dernier, ça signifie de croire en tout ce qui a été mentionné de ce qui arrive après la mort, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et de ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme le châtiment de la tombe, de même que les délices de la tombe, la résurrection des tombes, le fait de sortir, que les hommes vont sortir de leur tombe, vont ressusciter, le rassemblement pour le jugement, et le fait que les hommes vont être, on va mettre leurs œuvres dans une balance, on va peser leurs œuvres, on va également leur remettre un livre dans lequel il y a les actions qu'ils ont faites, soit ils vont recevoir le livre par la main droite ou bien par la main gauche, selon ce qu'ils ont fait. Et il y a également As-Sirat, c'est-à-dire le pont qui va être dressé sur l'enfer, hein? Et il y a également par la suite le paradis et l'enfer. Tout ça sont des éléments qui font partie de la foi en le jour dernier. Et ça consiste donc, ou ça implique par la suite donc, de se préparer à ça en faisant des bonnes œuvres et en abandonnant les mauvaises œuvres, les mauvaises actions, et de se repentir de nos péchés pour être prêt justement à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et il dit ensuite وَقَدْ كَفَرَ بِالْيَوْمِ الْآخِرَ الدَّهْرِيُّونَ وَالْمُشْرِكُونَ واليهود والنصارى لم يؤمنوا به الإيمان الصحيح المطلوب وإن آمنوا بوقوعه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Donc le cheikh il mentionne que parmi les koufars il y a des catégories qui rejettent complètement la foi en la vie après la mort ou bien en يعني الآخرة et en qu'est-ce qui se passe au jour dernier, comme les matérialistes, ad-dahriyoun, hein, ceux qui ne croient pas en autre chose que la matière, et qui et sont des matérialistes qui disent que c'est la nature qui a créé, hein, ou bien qui s'est créée toute seule, qui est venue par hasard, hein, comme ceux qui croient aujourd'hui parmi les koufars que le monde c'est juste par hasard et que c'est le Big Bang qui a fait le monde, ou des trucs comme ça. Et qui s'imagine que tout ce qui existe, les êtres humains et tout ça, c'est une série de hasards qui se sont suivis les uns après les autres. Donc ça, c'est des exemples. Ces gens-là, ils ne croient pas qu'il y a une vie après la mort. Hein? Ils croient que en cette vie d'ici-bas de la dunya. De même que certains mushrikoun aussi, hein, ils ne croient pas en la vie après la mort. De même que parmi les juifs et les chrétiens, il y en a qui croient de façon générale qu'il y a une vie après la mort, mais ils n'y croient pas de la manière correcte. C'est-à-dire qu'ils croient en certains aspects, mais ils rejettent d'autres, ou bien ils croient en seulement en certains aspects. Comme par exemple, il y a des chrétiens qui croient en la vie après la mort, mais qui s'imaginent que la vie après la mort, c'est seulement le fait que les gens qui ont fait le bien vont être comme des anges qui flottent dans le paradis, comme par exemple des exemples qu'ils font des dessins de bébés qui sont nus avec des ailes dans le dos et qui vont voler comme ça dans le paradis, ou bien que c'est juste quelque chose, c'est juste les âmes qui vont être ressuscitées, non les corps, et ils pensent que les plaisirs charnels ou autres ne seront pas présents dans le paradis ou des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui ont d'autres croyances aussi à ce sujet-là, et le cheikh il dit que leurs croyances en la foi en, ou leur foi en l'Yom al-Akhir, elle n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte, même s'ils croient qu'il y a quelque chose après la mort. Et il mentionne le verset 111 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils disent, nul n'entrera au paradis, excepté s'il est juif ou chrétien. Ça, c'est un exemple de leur croyance, et c'est une croyance qui est erronée. Et le verset 80 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne au sujet des juifs, il dit waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda, c'est-à-dire le feu ne nous touchera que quelques jours seulement, hein? Donc ça c'est des exemples de leur fausse croyance au sujet de al-yawm al-akhir. Le verset le sixième pilier, c'est la foi en al-qadar, al-iman bil-qadar. والإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله علم كل شيء ما كان وما يكون وقدر ذلك في اللوح المحفوظ وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية فقد شاءه الله وقدره وخلقه وأنه يحب الطاعة ويكره المعصية وللعباد قدرة على أفعالهم واختيار وإرادة لما يقع منهم من طاعة أو معصية ولكن ذلك تابع لإرادة الله ومشيئته خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار وللقدرية الذين يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه يخلق فعل نفسه دون إرادة الله ومشيئته. Donc le cheikh il explique que la foi en la prédestination, ça signifie de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il a la foi, il a la connaissance de toutes choses. Il a la connaissance de toutes choses. Donc ça c'est le premier point. Si on peut les résumer en quatre points, c'est-à-dire la connaissance, ensuite l'écriture, du fait qu'il a tout écrit, qu'est-ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et le troisième c'est al-mashi'ah, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se produit c'est par sa volonté seulement. Et rien ne peut sortir de sa volonté. Et quatrièmement, c'est le fait que tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé, c'est-à-dire Al-Khalq. Il n'y a rien de ce qui existe qui sort de sa création. Tout fait partie de sa création. Et ça, c'est les quatre points qui sont essentiels pour avoir une croyance complète en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le cheikh est en train d'expliquer maintenant. Donc il dit la connaissance, le fait que Allah a la connaissance de toutes choses. Qu'est-ce qui était dans le passé, ma yakun, qu'est-ce qui existe à présent, et il y a des ulama parfois ils rajoutent wa ma lam yakun walau kana kayfa yakun, c'est-à-dire ce qui ne s'est pas produit et si ça s'était produit comment cela se serait produit, ainsi de suite. Donc en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses et il a tout prédestiné ces choses-là et il l'a écrit dans la table préservée, al-lawh al-mahfouz. Donc, tout ce qui arrive et tout ce qui se produit, ça a été écrit déjà. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme c'est mentionné dans le hadith à ce sujet, qui est un hadith authentique, qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, avant d'avoir créé toute chose, il l'a écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc, tout ce qui existe, tout ce qui se produit, ça a été écrit, que ce soit bien ou mal, ça a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala et prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qui se produit, que ce soit le kufr ou la foi, que ce soit l'obéissance ou la désobéissance, alors c'est quelque chose qui se produit uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui l'a prédestiné et c'est lui qui l'a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime l'obéissance. Toutefois, il déteste le péché et la désobéissance. Et le serviteur, il a la capacité et le pouvoir de faire ses actions. Et il a également le choix dans ce qu'il fait. Et il a également une volonté aussi. C'est-à-dire, les êtres humains, ils ont une volonté, ils ont un choix, ils ont une capacité d'agir. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés avec ça. Donc, ce qui se produit de leur part, comme obéissance ou comme désobéissance, donc, ça c'est par là leur capacité et leur choix et leur volonté. Mais cette volonté et ce choix, il suit, bien entendu, et il est limité par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que disent les Jabriya qui disent que l'être humain il est forcé de faire ce qu'il fait et qu'il n'a aucun choix. Et les Qadariya, eux qui nient complètement la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui disent que l'être humain est libre et indépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il crée lui-même les actions qu'il fait sans qu'il soit limité par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa volonté. Donc, c'est deux groupes extrêmes. Ceux qui nient la prédestination et qui disent on est libre, on peut faire quelque chose, même si ça va en contradiction avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là, ils ont nié la prédestination d'Allah et ils ont diminué Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, puisque c'est comme s'ils sont en train de dire que on peut imposer quelque chose à Allah que Allah ne veut pas. Hein? Et ça c'est comme s'ils disent que Allah n'est pas tout puissant. Hein? Et ça c'est kufr, et c'est grave. Et l'autre extrême, c'est les djabriyas. Ils disent l'être humain n'a aucun choix. Hein? Il est forcé de faire ce qu'il fait. Il n'a pas de volonté. Donc, il n'est pas responsable de ce qu'il fait, ça veut dire. Donc si par exemple, quelqu'un vient, il te frappe, tu lui dis, mais pourquoi tu me frappes? Il te dit, mais c'est Allah qui m'a forcé. Hein? C'est Allah qui a prédestiné que je te frappe. Ça c'est des exemples, ça c'est absurde. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit de transgresser et de faire du tort aux autres. Et ça, c'est la réfutation de ceux, par exemple, qui essaient parfois de justifier le mal qu'ils font par la prédestination. Ils disent, j'ai fait ça, c'est parce que Allah, il me l'a prédestiné. Hein? Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné quelque chose, c'est pas la preuve, ou ça veut pas dire que Allah aime cette chose. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il permet à des choses de se produire dans l'univers qu'il déteste et qu'il a interdit par le message qu'il a envoyé à ses messagers. Mais le but de ça, c'est justement pour mettre les hommes à l'épreuve et pour les tester, hein, et pour les éprouver par ces choses-là. Et ça ne veut pas dire qu'il est d'accord ou qu'il approuve ou qu'il aime ces choses. Ça, beaucoup de gens n'ont pas compris. Et justement, dernièrement, j'avais une discussion avec un chrétien à ce sujet-là. Et c'est un chrétien qui vient de l'Afrique, donc il connaît beaucoup de musulmans. Et on discutait justement à propos de sihr et des choses de ce genre, et des marabouts. Et puis, je lui expliquais que, comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surah Al-Baqarah, que le sihr, il ne peut avoir d'effet que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est-à-dire que les gens qui font du sihr, ils ne peuvent faire du tort à quelqu'un que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut croire, hein, que peu importe qu'est-ce que quelqu'un peut essayer de te faire comme tort avec le sihr, il ne peut que te faire ce que Allah a écrit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a dit, si tous les hommes se réunissent pour te faire un bien quelconque, ils ne pourront te faire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Et si les hommes se mettent ensemble pour essayer de te faire un bien ou un mal, dans les deux sens, ils ne pourront te faire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. La plume a été relevée et la page ou l'encre a séché. Donc, ma sha' Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est ce qui est, et ce qu'il ne veut pas, c'est ce qui n'existe pas. D'accord? Et donc, je lui expliquais, parce que lui, il disait, si le sahir fait un sihr ou fait quelque chose et que ça se produit, il dit, ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala veut que cette chose-là se produise. Et je lui expliquais qu'il est très important de comprendre la différence entre al-iradatul kawniya et al-iradatul shara'iya. Al-iradatul kawniya, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Qu'est-ce qu'il permet, hein, de se produire dans l'univers, dans ce que, par rapport à qu'est-ce que Allah a créé et qu'est-ce qu'il a prédestiné. Et donc, je lui ai donné l'exemple. J'ai dit, si par exemple, je prends un couteau puis je te pique avec, ou je te frappe, est-ce que tu vas dire que c'est par la volonté d'Allah ou non? Il a dit, ben oui, c'est par la volonté d'Allah. Hein? J'ai dit donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu. Et il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah. Donc ça c'est vrai. D'un côté, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que, est-ce que tu peux utiliser ça comme preuve pour dire que de faire du mal à quelqu'un avec un couteau, c'est quelque chose qui est bien, ou quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala accepte ou aime? Il a dit non, puisque tout le monde sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit, hein, dans le Coran et par la bouche de ses messagers, de faire du mal aux hommes. Hein, et ça c'est al-iradatu shar'iyya. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans qu'est-ce qu'il a révélé à ses messagers. Et donc, on ne peut pas utiliser qu'est-ce que les hommes font comme mal ou comme péché ou comme transgression comme une justification pour essayer de prouver que c'est quelque chose qui est bien ou acceptable. Donc si par exemple des gens font du sihr et que ça marche, parfois, soit parce que c'est une coïncidence, ça se produit en même temps que la chose que la personne avait demandé, ou bien que ça se produit parce qu'ils demandent l'aide des djinns et que ça se produit par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est permis. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le sihr et il a déclaré que c'est un acte de kufr et que c'est du shirk akbar qui fait sortir de la foi, et que si quelqu'un le fait ou l'apprend ou même demande à quelqu'un de le faire pour lui, il sort de la foi et il sort de l'islam par cette action-là. Donc, le fait de dire que ça fonctionne ou que ça marche, c'est pas une preuve pour dire que c'est quelque chose de bien ou que c'est quelque chose de permis ou d'acceptable. C'est comme par exemple les gens qui vont faire du shirk, ils vont demander à un wali ou à une tombe ou demander à une statue ou à une idole quelque chose, et ils sont exaucés par la suite ou bien ils reçoivent qu'est-ce qu'ils veulent. Ils pensent que ça c'est la preuve que ça marche. Donc ils pensent que c'est une justification pour faire le shirk. Mais ça c'est pas une preuve. Et déjà, souvent qu'est-ce qui se passe, c'est que soit que c'est une chose qui arrive par coïncidence, parce que c'est Allah qui avait prédestiné que cette chose allait se produire de toute manière, et ça a coïncidé avec la demande de cette personne à cette idole, ou bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que cette personne-là est exaucée pour l'égarer encore plus parce qu'elle a refusé d'accepter la foi et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala seul, et donc pour qu'elle soit encore plus induite dans l'égarement et dans son erreur. Et la même chose pour les personnes qui croient au sihr ou des choses de ce genre, hein, ils pensent que parce que ça s'est produit ou parce que ça fonctionne, que ça veut dire que c'est quelque chose qui est bon ou qui est bien. Non, ça ne veut pas dire ça. La même chose pour la personne qui joue à la loterie et puis qui gagne. Elle a peut-être une chance sur des milliards de possibilités ou de probabilités de gagner. Donc elle s'imagine que si elle a gagné, donc elle dit ça c'est le qadar. C'est vrai que c'est le qadar. Sauf que est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose que Allah a permis? Allah il a interdit le qimar dans la révélation. Hein? Et s'il fait que cette personne gagne, c'est une fitna pour cette personne. C'est une épreuve pour elle. Elle a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et elle a transgressé la limite d'Allah. Donc, on ne peut pas justifier une action par qu'est-ce qui se produit, le fait que ça se produit, on ne peut pas l'utiliser comme justification ou comme preuve que cette chose-là est bien ou que cette chose-là est bonne. Ou le fait que ça se passe, on dit « Ah, ben ça, c'est la preuve que c'est correct. » Mais les gens qui ne comprennent pas bien le qadar, ils tombent dans ce genre d'erreur et ils essaient de justifier le mal qu'ils font par la prédestination. Ça, c'est des genres d'erreurs qui se produisent à ce sujet-là. Et les deux groupes ont été réfutés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset de Surah Takwir et dans d'autres versets, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » C'est-à-dire, vous ne pouvez vouloir excepté si Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il affirme la volonté des créateurs, « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » excepté si Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Donc il y a une volonté chez les créatures, sauf que cette volonté-là, elle est limitée et restreinte par la volonté absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit fa athbata lil'abd mashi'atan raddan 'ala al-jabriyyah al-ghulat wa ja'alaha tabi'atan limashi'atillah raddan 'ala al-qadariyyah an-nufat wal-iman bil-qadar yaksubu al-'abd sabran 'ala al-masa'ib wa ibti'adan 'an adh-dhunub wal-ma'a'ib kama yadfa'uhu ila al-'amal Donc le cheikh il dit que on voit dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé la volonté pour le serviteur. Et ça, c'est la réfutation des Jabriya extrémistes qui affirment la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui nie la volonté des créatures. Et en même temps, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il affirme la volonté de la créature, il la met à la suite de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'elle est limitée par la volonté d'Allah. Et ça, c'est pour réfuter l'autre groupe, c'est-à-dire les Qadariyah, qui nient complètement la prédestination. Donc, ça c'est par rapport à ces deux groupes. Et le cheikh, il dit ensuite que la foi en le qadar, ça fait en sorte que la personne, elle développe plus d'endurance face aux épreuves et aux difficultés de la vie. Et c'est quelque chose en même temps qui l'éloigne des péchés et des choses mauvaises. Et qui le pousse à se forcer et à faire des efforts et à ne pas avoir peur et à ne pas être paresseux. Parce que la personne, elle sait qu'elle doit prendre les causes nécessaires pour arriver à faire ce qu'elle veut faire. Elle ne va pas dépendre uniquement sur la prédestination, mais elle va croire en la prédestination et faire les moyens nécessaires et les causes nécessaires pour faire qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc ça, c'est un résumé des six piliers de la foi. Hein? Et c'est le premier fondement parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et yani, la plupart des groupes de bid'ah et d'égarements, ils ont contredit soit un ou plusieurs d'entre ces piliers de la foi. Et le plus important d'entre eux, qui est le premier, c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, puisque la plupart d'entre ces groupes, ils ont des erreurs dans le tawhid. Hein? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et il n'y a personne d'entre les groupes hein, qui se disent musulmans aujourd'hui, qui ont compris et qui croient en l'islam de cette façon-là, selon les six piliers de la foi, excepté les gens d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc ça, c'est un de leurs principes qui les caractérise et qui les distingue. Et ensuite, il y a le deuxième fondement que le cheikh mentionne. الأصل الثاني ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد لأن هذا إيمان المنافقين وليس هو مجرد المعرفة بدون قول وعمل لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Donc le cheikh, il explique que le deuxième fondement de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est la définition de la foi selon Ahlus Sunnati wal Jama'a. C'est-à-dire que la foi, c'est une parole et une action et une croyance. La foi, c'est une parole et une action et une croyance. Donc les ulama, ils disent que c'est une parole avec la langue et avec le cœur. De même que c'est une action avec le corps et avec le cœur, et que c'est une croyance du cœur également. Toutes ces choses-là sont résumées. Des fois, vous allez retrouver l'expression « qawlun wa amal » seulement. Et ça implique les paroles et les actions du cœur et du corps. Et les actions du cœur et du corps. Des fois, il rajoute « wa'tiqad » et une croyance hein, du cœur. Pour clarifier, parce que sinon, il y en a qui se limitent juste à dire « qawlun wa amal ». Yazidu bita'a, c'est-à-dire que plus tu fais des actes d'obéissance et d'adoration, plus ta foi augmente. Wayanqusu bil ma'siya, ça veut dire que ta foi, elle diminue lorsque tu commets des péchés. Donc la foi, si elle est uniquement avec les paroles et les actions, mais qu'elle n'est pas, elle n'est pas accompagnée de la croyance du cœur, dans ce cas-là, c'est une foi qu'on appelle la foi des munafiqis. C'est-à-dire les gens qui pratiquent l'islam en apparence et qui prononcent le témoignage de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qui disent les paroles de la foi mais qui n'ont pas réellement cette foi-là ou cette croyance-là dans leur cœur, ceux-là sont des munafiqin, des hypocrites. Et la foi non plus, c'est pas la croyance du cœur sans les actions et les paroles, parce que ça c'est la position des kafirin, ou la foi des kafirin et des jahidin. C'est une foi qui est en opposition avec la vraie foi. Hein? Parce que tu ne peux pas dire que tu as la foi dans le cœur, puis que tu opposes cette foi dans ta parole et dans tes actions par la suite. C'est contradictoire. Donc, le Cheikh, il mentionne le verset 14 dans Surat An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Pharaon et de des gens qui ont rejeté la foi avec lui. Il dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. C'est-à-dire que ils l'ont rejeté, ils l'ont renié par injustice et par fierté ou par arrogance, alors que au fond d'eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. اسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Ils avaient le yaqin dans leur cœur en eux-mêmes à ce sujet-là. Ils savaient que Allah est vrai et que Allah existe, mais par fierté, par arrogance et par injustice, ils refusaient de l'admettre. Et ça, c'est l'attitude et la réalité de la plupart des êtres humains qui rejettent la foi et qui disent qu'ils sont athées, par exemple, ou qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu pour de vrai. La réalité, ils croient en Dieu. Hein? Sauf qu'ils refusent de l'admettre par arrogance et fierté. Ils refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par arrogance et fierté. Sinon, au fond de leur cœur, ils savent que Allah existe et que c'est vrai. Hein? Et il mentionne l'autre verset qui est le verset 33 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parce que ce n'est pas toi qu'il traite de menteur en réalité, mais les injustes rejettent ou renient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les signes d'Allah qu'ils rejettent, et non pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en le traitant de menteur, parce que en réalité ils savent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est Al-Amin, et c'était son nom même. Avant l'islam, les mushrikoun surnommaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Amin. Pourquoi? Parce qu'il était connu pour son honnêteté, hein, et pour sa franchise. Donc ils savent que c'est pas un menteur, mais ils refusent d'accepter les signes qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, il mentionne un autre verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 38 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne Ad et Thamud, et il parle des prophètes qui ont précédé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et du fait que les kuffars ont rejeté la foi en ses messagers. Le shaitan leur a embelli leurs actions et leur a bloqué le chemin ou obstrué le chemin, alors qu'ils avaient la compréhension, ils avaient compris, ils savaient que ce que leur messager leur amenait était la vérité. Donc ça, c'est pour réfuter ceux qui disent qu'ils ont la foi dans le cœur mais qui ne font pas les actions ou qui ne disent pas la parole de vérité. C'est pas suffisant de juste croire avec le cœur. Et ensuite, il dit, donc cette définition de la foi, c'est pour réfuter les gens de bid'a, en même temps qui ont dévié dans la définition de la foi, comme les murji'a et les khawarij, yani, tous ceux qui sont apparents à ces sectes-là, comme les khawarij, et également les asha'ira et les maturidiyya. Ils ont tous dévié dans ces définitions de la foi. Le shaykh, il dit ensuite, وليس الإيمان اعتقادا فقط أو قولا واعتقادا دون عمل لأن هذا إيمان المرجئة والله تعالى كثيرا ما يسمي الأعمال إيمانا قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس سمى الصلاة imanan. Donc le cheikh il dit que la foi c'est pas non plus uniquement une parole et une croyance sans les actions. Donc c'est pas une parole et une croyance sans les actions. Il faut qu'il y ait des actions reliées à cette croyance, sinon c'est pas une vraie croyance. Sinon c'est la croyance de ceux qu'on appelle les murji'a, hein, qui pensent que les actions n'entrent pas dans la définition de la foi. Et on retrouve dans la révélation plusieurs fois où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les actions comme étant de la foi. Comme le verset 2 et 3 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les croyants sont uniquement ceux que lorsqu'on leur mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite ces signes ou ces versets, cela augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui établissent la salat et qui donnent et qui dépensent de ce qu'on leur a donné, de ce qu'on leur a donné comme risque, et ceux-là, ce sont les vrais croyants. Donc, on voit que dans cette définition des vrais croyants, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas seulement mentionné des aspects de la foi du cœur ou des actions du cœur, mais il mentionne également des actions du corps, comme la salat et le fait de dépenser de nos biens, fi sabilillah, ou des choses de ce genre, ou de réciter les versets d'Allah. Tout ça, c'est des actions et des paroles qui font partie de la définition de la foi. De même que le verset 143 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas gaspiller votre foi. Et il parle ici de la salat qui était faite près de Baytul Maqdis. Hein? La salat qui était faite en direction de Baytul Maqdis. Parce que avant de prier vers la Kaaba, les musulmans priaient vers la Palestine, vers le Baytul Maqdis. Et c'est par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de se tourner vers la Qibla. Donc les croyants ont demandé, est-ce que ceux qui priaient auparavant vers la Baytul Maqdis et qui sont morts, est-ce que leur salawat qu'ils ont faite va encore être valable? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce verset pour leur faire savoir que leur foi, c'est-à-dire leur salat, eh bien, elle ne va pas être gaspillée, elle ne va pas être perdue. Hein? Puisque à l'époque où ils priaient vers Baytul Maqdis, al-Iman, c'était de croire et de prier dans cette direction-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire perdre la valeur de leurs œuvres. Et la preuve, c'est que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé la salat Iman. Il l'a appelé foi. Donc ça c'est pour le deuxième fondement parmi les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Al-aslu al-thalith wa min usul Ahlus Sunnah wal Jama'a annahum la yukaffiruna ahadan min al-muslimina illa idha irtakaba naqidan min nawaqid al-islam. Amma ma kana min al-kaba'ir allati hiya dun ash-shirk wa lam yadul dalilun ala kufri murtakibihi ka tarki as-salati takasulan fa innahum لا يحكمون على مرتكبها أي الكبائر بالكفر وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان وإذا لم يتب منها فإنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه لكنه لا يخلد في النار قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le cheikh il explique que le troisième fondement des fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est qu'il ne déclare pas aucun d'entre les musulmans comme étant mécréant pour avoir commis un péché, excepté si ça fait partie des choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Hein? Excepté si ça fait partie des choses qui annulent l'islam de quelqu'un, comme par exemple le shirk, le sihr, ou des choses qui sont en opposition avec les fondements du tawhid et de la foi. Hein? Donc si ça ne fait pas partie des nawaqid de l'islam, et que quelqu'un a commis un péché, comme les grands péchés, comme le zina, ou le vol, ou un autre crime, eh bien il ne sort pas de l'islam pour ça. Hein? Tant qu'il n'y a pas une preuve qui indique la mécréance de celui qui a fait ce péché, ce grand péché-là, comme par exemple le fait d'abandonner la salat par paresse, parce que le cheikh fait partie des ulama qui déclarent celui qui abandonne la salat par paresse comme étant kafir. Toutefois, comme on sait, c'est une question de divergence parmi les ulama de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Certains d'entre eux ont divergé à ce sujet, hein, sans pour autant sortir de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Hein, ce sont toujours des ulama considérés comme étant des ulama sur la voie des salafs à ce sujet. Toutefois, pour eux, celui qui abandonne la salat par paresse, il n'est pas kafir. Mais pour le chef, lui, étant donné que ça, c'est sa position, avec les dalils, hein, donc il dit que pour lui, celui qui l'abandonne par paresse, il est kafir. Donc, pourquoi? Parce que, selon lui, il y a une preuve qui indique que celui qui abandonne ça, il a commis un acte de kufr, donc il quitte la foi. Ça, c'est ce qu'il explique ici. Donc, on ne dit pas de quelqu'un qu'il est en dehors de l'islam, excepté s'il a commis quelque chose qui annule l'islam, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas commis un nawaqid parmi les nawaqid de l'islam, mais s'il a fait un grand péché parmi les grands péchés qui sont moindres que le shirk, ou qui n'a pas été indiqué comme étant quelque chose qui est kufr, qui fait sortir de l'islam, alors dans ce cas-là, il ne le déclare pas kafir. Celui qui le fait. Il déclare uniquement kafir celui qui fait quelque chose qui vient en opposition avec les fondements de la foi et les fondements de l'islam. Toutefois, la personne qui commet un grand péché, il le déclare comme étant fasiq. Il le déclare comme étant un pécheur. Et ils disent à son sujet qu'il a une foi qui est faible. Ils disent à son sujet que c'est un musulman qui a une foi faible. Mais ils ne le font pas sortir complètement de la foi. Hein? Donc tout musulman qui commet des grands péchés, comme boire de l'alcool, ou faire le zina, ou bien manger du riba, ou bien des choses de ce genre, ou bien une femme qui ne porte pas le hijab, ou des choses comme ça, ça c'est considéré comme un grand péché, et c'est considéré comme étant une forme de fisc. Et le musulman ou la musulmane qui fait ces péchés-là, elle est considérée comme étant un musulman qui a une foi faible. Mais on ne la fait pas sortir de l'islam tant qu'elle n'a pas rendu cette chose-là halal. Tant qu'elle n'a pas rendu ce péché-là halal. Si elle l'a déclaré halal, alors là ça devient kufr parce que c'est qu'est-ce qu'on appelle al-istihlal. Le fait de rendre halal ce qui est haram, et ça c'est kufr. Parce que c'est comme si tu nies ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc dans ce cas-là, ça c'est kufr. Hein? Mais si la personne ne l'a pas rendu halal, même si elle le fait constamment, elle ne devient pas mécréante. Hein? Contrairement à certains takfiriens à notre époque, qui vont faire le takfir des gens par prétexte, ou sous prétexte qu'ils jugent par autre que la loi d'Allah, sans faire de clarification à ce sujet-là. Ils vont dire, toute personne qui juge par autre que la loi d'Allah sont des kuffars qui sortent de l'islam. Et ça, c'est pas correct de dire ça, de cette façon-là. Puisque nos salafs, ils n'ont pas compris ces versets-là de cette manière. Ils ont détaillé et ils ont clarifié à ce sujet-là. Ils ont dit, à propos du verset, « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Ils ont expliqué que il y a des degrés, il y a des gens qui, par exemple, ils vont juger par autre que la loi d'Allah, par leur passion, en suivant leur passion et leurs désirs, tout en reconnaissant que ce qu'ils font c'est haram et que c'est un péché. Ils ont dit ça c'est un kufr, d'où la kufr, que ça fait pas sortir de l'islam, que c'est un kufr mineur et non un kufr majeur, et que ça les fait pas sortir de l'islam. Toutefois, si la personne elle a jugé par autre que la loi d'Allah ou par des lois faites par l'homme, mais qu'elle pense que ces lois-là sont supérieures à la loi d'Allah, ou qu'elles sont équivalentes à la loi d'Allah, ou qu'elles sont égales, ou bien permises, ça, ils ont dit que ceux-là sont en dehors de l'islam, et qu'ils ont mécru d'une mécréance majeure, d'un kufr akbar qui les fait sortir de l'islam. Mais tant que la personne, elle reconnaît qu'est-ce qui vient d'Allah, et que c'est le haq, et même si elle le contredit dans ses actions, et juge par autre que la loi d'Allah, sans le rendre halal, et sans croire que c'est meilleur, ou que c'est équivalent, ou que c'est permis, on ne peut pas dire qu'elle est kafir. On n'a pas le droit de dire que cette personne est kafir. Celui qui dit que cette personne est kafir, c'est un khariji. Il fait partie des khawarij, hein, qui a suivi la voie de Dhul Khuwaysira et des gens qui font sortir de l'islam, les croyants et les musulmans pour des grands péchés. Ou bien, certains parmi les takfirines de notre époque qui prétendent que si quelqu'un persiste à commettre un grand péché, après lui avoir donné la nasiha plusieurs fois, que la personne devient mécréante parce qu'il prétend qu'elle l'a rendu halal parce qu'elle persiste à le faire. Et ça aussi, c'est un exemple de la aqida des khawarij. Puisque le fait que quelqu'un persiste à commettre un grand péché, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui l'a rendu halal, et ça ne fait pas quelqu'un de, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est kafir ou qui a sorti de la foi et qui l'a rendu halal. Pourquoi? Parce que pour dire que la personne l'a rendu halal, il faut qu'elle le dise avec sa bouche clairement et qu'elle l'exprime qu'elle l'a rendu halal. Mais le simple geste ou le simple fait de le faire, ça ne veut pas dire qu'elle le rend halal dans son cœur. Si tu vois quelqu'un qui boit de l'alcool, tu lui demandes, ya akhi, qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas que c'est haram? Et qu'il te dit, oui, ya akhi, je sais que c'est haram, mais Allah al-musta'an, que Allah me guide, j'ai la foi faible. Hein? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner et de m'aider à abandonner ce péché. Tu n'as pas le droit de dire que celui-là est un kafir. Tu n'as pas le droit de dire que celui-là est un kafir, hein? Parce qu'il ne l'a pas rendu halal. Hein? Donc ça, c'est un exemple à propos de ces questions-là, et c'est très important de bien comprendre ces choses-là pour ne pas tomber dans l'extrémisme des khawarij qui font le takfir des musulmans. Donc la personne qui, lorsqu'elle meurt, elle commettait ces grands péchés-là qui sont moindres que le shirk, si il meurt avant de s'être repenti, la aqida de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a à ce sujet, c'est qu'ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va leur pardonner, et si Allah veut, il va les châtier, hein, par sa justice. Mais même s'ils sont châtiés, ils ne vont pas demeurer éternellement dans l'enfer. Ils ne vont pas demeurer éternellement dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 48 dans sourate An-Nisa, Allah ne pardonne pas à quelqu'un de commettre le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Donc si quelqu'un meurt sur le shirk sans se repentir avant sa mort, il n'a pas d'espoir d'être pardonné parce qu'il a commis le shirk akbar. Mais si il meurt sans avoir commis de shirk, mais toutefois qu'il commettait des grands péchés, mais il ne s'est pas repenti avant de mourir, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va le pardonner, le faire entrer au paradis direct, hein? Et sinon, il va le châtier un certain temps, puis par la suite, il va le faire entrer dans son paradis pour l'éternité. Donc, il faut bien comprendre ce point-là, et ça c'est très important aussi, parce que les gens de Bid'a ont dévié sur ces questions-là. Et le cheikh, donc, il dit, « وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَ فِي ذَلِكَ وَسَطٌ بَيْنَ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ وَإِنْ كَانَتْ دُونَ الشِّرْكِ وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ هُوَ مُؤْمِنٌ كَامِلُ الْإِيمَانِ وَيَقُولُونَ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ. Donc la voix de Ahlus Sunnati wal Jama'a à ce sujet, c'est la voie du juste milieu entre l'extrême des khawarij qui déclarent kafir toute personne qui commet un grand péché qui est moindre que le shirk, et entre l'extrême des murji'a qui disent que toute personne est est complet et parfait dans sa foi même s'il commet des grands péchés. C'est-à-dire, la foi, elle ne diminue pas, elle est complète et parfaite pour tout le monde. Et que si tu commets un péché, ça ne nuit pas à ta foi. De la même manière que si tu commets un kufr, ça va pas, le fait de faire une bonne action, ça va pas te profiter si t'es dans le kufr, si t'es un kafir et que tu fais des bonnes œuvres. Ça va pas te profiter. Donc, ils utilisent ça, ils font une analogie. font une comparaison ou une analogie entre les deux. Ils disent, si le kafir fait une bonne œuvre, ça ne va pas lui profiter. Donc, si le mu'min il fait un péché, ça ne va pas lui nuire. Et ça, c'est une analogie qui est incorrecte, puisqu'elle est réfutée par les preuves du Coran et par les preuves de la Sunna. Donc, c'est une analogie qui est batila. C'est un qiyas qui est batil. Ensuite, le cheikh il mentionne le quatrième fondement parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, al-Asl al-Rabi' wa min usul Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, wujub ta'ati wulat umur al-Muslimin, ma lam ya'muru bima'siyah, fa'idha amaru bima'siyah, fala tajuzu ta'atuhum fiha, wa tabqa ta'atuhum bil-ma'ruf fi ghayriha. عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ويرون أن معصية الأمير المسلم معصية للرسول ويرون أن معصية الأمير المسلم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. Donc le cheikh il explique que parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il y a l'obligation d'obéir aux dirigeants des musulmans tant qu'ils n'ont pas ordonné de commettre un péché. Et lorsqu'ils ordonnent de faire un péché, il n'est pas permis de leur obéir dans ce péché-là. Toutefois, l'obligation de leur obéir dans le reste, dans le bien, reste. Et ils doivent continuer à leur obéir dans le reste de ce qu'ils ordonnent, de qu'est-ce qui est bien. C'est seulement dans le péché qu'on n'a pas le droit de leur obéir. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, c'est que les musulmans aujourd'hui, dans certains pays, ou certains musulmans dans les pays musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent aux dirigeants dans le péché, et ils désobéissent dans le bien. Nasallallahu al-afiyah. Et ça, c'est grave. Le shaykh il dit wa amalan bi qawlihi. Donc, quand on respecte ce principe-là, on se base sur le verset 59 dans Surat al-Nisa, qui dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Et également sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit « Je vous ordonne de craindre Allah, d'avoir la taqwa et d'écouter et d'obéir à celui qui est responsable ou dirigeant sur vous, même si c'est un esclave. » Même si c'est un esclave. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas la personne, mais on regarde sa position, et si c'est notre dirigeant, on doit lui obéir. Et yani, ça c'est quelque chose que les gens de Bid'a parmi les Khawarij, les Mu'tazila aujourd'hui, refusent d'accepter. Et ils appellent aux manifestations et aux révoltes, et on l'a vu dans les pays musulmans dernièrement. Qu'est-ce que ces gens-là font au nom de la démocratie et au nom de la liberté des koufars, qui sont des principes des koufars? Ils appellent à ces idéologies-là et ils se révoltent contre les dirigeants en suivant ces exemples. Les exemples des juifs et des chrétiens et l'exemple des khawarij qui ont dévié dans ces questions-là. Et le cheikh explique également que les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils considèrent que de désobéir aux dirigeants musulmans, c'est comparable à la désobéissance du messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que celui qui désobéit aux dirigeants musulmans dans le bien, c'est comme s'il a désobéi au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui obéit aux dirigeants m'a obéi, et celui qui désobéit aux dirigeants m'a désobéi. Allahul Musta'an. Donc on voit que aujourd'hui, les musulmans, beaucoup de musulmans, pas tous, mais beaucoup de musulmans, sinon presque la majorité parfois, ont oublié ou négligé ce principe parmi les principes de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, et certains sont même arrivés au point où ils s'imaginent que c'est le contraire de ce point-là qui fait partie de l'islam. C'est-à-dire que pour eux, c'est devenu quelque chose d'étrange quand tu leur dis que dans l'islam, on doit obéir au dirigeant, même s'il est injuste, et même s'il fait de l'injustice. Parce que les jeunes, en particulier, aujourd'hui, à notre époque, ils sont très influencés par les idéologies des socialistes et des marxistes, qui appellent à la révolte et à la révolution, et ils sont très influencés aussi par les idées de révolution des koufars, soi-disant, pour établir la démocratie ou la laïcité. Et ça, c'est en opposition totale avec les fondements de l'islam et de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Aussi, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent du rap, qui écoutent la musique rap. Et, Allahul Musta'an, beaucoup de ces jeunes, parmi les rappers, Allahul Musta'an, ils sont des juhal, ils sont des ignorants, ils ne connaissent pas l'islam, et encore moins les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc, ils essaient de transmettre parfois des messages, et puis ils appellent les jeunes à, soi-disant, la révolte, et il faut se rebeller, se révolter. Et la plupart des jeunes musulmans, en général, en France et ailleurs, ils prennent leur éducation, leur tarbiya de ces rappers, de ces gens qui font du rap. C'est-à-dire que tout leur comportement, leur akhlaq et leur mentalité, leur modèle, ça vient de qu'est-ce qu'ils entendent de ces gens qui font du rap et de la musique qu'ils écoutent. Ils prennent pas leur akhlaq, les jeunes musulmans qui traînent dans la rue, ils prennent pas leur akhlaq du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des sahaba, ils prennent leur akhlaq des vidéos des rappers et puis des musiques de rap qu'ils entendent jour et nuit, que ce soit des garçons ou des filles. Et ça, c'est une réalité. Et ça, on le constate quand on voit les jeunes, qu'est-ce qu'ils font dans les manifestations. Ça, c'est pas l'akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas l'akhlaq des sahaba, c'est tout en opposition avec l'islam. Et quand j'ai commencé à réfléchir pour me dire, mais subhanallah, d'où est-ce qu'ils ont appris ces manières ou ces comportements, et là, après tu réfléchis, tu dis, mais subhanallah, ça vient parce que justement, ils prennent leur modèle de ces gens de rap ou de musique qui appellent à toutes ces choses-là, et à toutes ces révoltes, et à toutes ces idéologies. Qu'il faut faire ces choses-là, il faut se révolter contre le pouvoir, il faut pas obéir, il faut ci, il faut ça. Donc il faut bien comprendre que ces gens qui appellent, qui écoutent du rap, malheureusement ils sont mal influencés, et il est très important d'éduquer les jeunes et de faire connaître aux jeunes les bases de l'éducation selon les principes d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a et la compréhension des salafs. Ça, c'est très important. En passant, la musique, c'est haram. Et le rap aussi, c'est haram. Même s'il y en a qui veulent faire du rap islamique. Allah al-Musta'an. Yani, sallallahu al-afiya. Ça fait partie des bid'as. D'autres bid'as qui sont inventées. Comme la bid'a des soufis. Et les autres, les égarés. Allah al-Musta'an. Donc, الشيخ يقول ويرون الصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاة والاستقامة ومناصحتهم. Et ils considèrent que de prier derrière les dirigeants, ça fait partie de la sunna, de même que de faire le jihad avec les dirigeants, ça fait partie de la sunna. On ne fait pas le jihad tout seul, on ne fait pas le jihad avec des petits groupes comme ça, on s'organise individuellement en dehors, tout seul avec des groupes comme les takfiriyin ou les jihadiyin qui déclarent le jihad contre qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, sans conditions, sans règles, sans clarification, sans respecter les principes de la sunna et sans être derrière les dirigeants et sans se rallier à l'armée des états, des pays musulmans lorsqu'ils appellent ou lorsqu'ils déclare le djihad. Donc ça, c'est des exemples d'opposition à la sunna. Donc le djihad, ça se fait uniquement avec le dirigeant. Parce qu'il y a des règles dans la charia qui sont reliées directement au dirigeant. Et que personne n'a le droit de les appliquer, excepté si le dirigeant l'ordonne. Hein? Comme par exemple, l'ordre d'établir les peines de la charia, comme la lapidation, ou bien de couper la main des voleurs, ou bien de tuer les apostats, ou des choses comme ça, ou de faire le djihad. Toutes ces choses-là sont reliées aux dirigeants, et on n'a pas le droit de les appliquer par nous-mêmes. Hein? C'est uniquement le dirigeant, le responsable, qui a le droit de faire respecter ou d'appliquer ces règles-là. Et si lui, il ne le fait pas, c'est lui qui aura à rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Hein? C'est lui qui aura des comptes à rendre pour sa négligence au jour de la résurrection. Le cheikh, il dit également de faire des doigts pour eux, hein, pour qu'ils soient bons et pour qu'ils soient bien guidés. Ça aussi, ça fait partie de la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, contrairement aux gens de Bid'a parmi les Khawarij qui font des doigts contre eux et qui les insultent, hein, et qui les maudissent et qui prétendent en toute ignorance et en toute injustice que tous les malheurs qui nous touchent, c'est uniquement à cause de ces dirigeants. Hein? Alors que le peuple n'est pas meilleur. Illama rahim Allah. Donc, cette idée-là, que tout ce qui nous arrive, c'est à cause seulement des dirigeants, ça, des fois même, à la limite, ça peut même devenir une aqida qui est fausse. Hein? Ça peut même rentrer dans les sortes de superstitions. Hein? Parce que si on réfléchit bien comme il faut, c'est pas possible que tout le mal qui arrive soit à cause d'un seul homme. Hein? Il faut bien comprendre qu'on a aussi notre part de responsabilité là-dedans. Hein? Le chômage, c'est à cause du dirigeant. Le manque de travail, c'est à cause du dirigeant. Le manque de nourriture, c'est à cause du dirigeant. S'il ne fait pas beau, c'est à cause du dirigeant. A'udhu billah. Ça peut même devenir shirk si tu continues à penser des choses comme ça. Hein? Donc il faut comprendre que c'est vrai que le dirigeant, il a une responsabilité dans ce qui arrive, mais ce n'est pas seulement à lui la responsabilité. Le peuple, il a la plus grande de la responsabilité. Si toi, dans ta propre maison, tu n'appliques pas l'islam, tu n'appliques pas la charia, après tu veux que le dirigeant soit 100% sur la charia, là il y a un problème, déjà. Toi, dans ton commerce, tu n'appliques pas la charia. Dans ta maison, tu n'appliques pas la charia. Hein? Dans tout ce que tu as sous ta charge, ta responsabilité personnelle, tu négliges tes obligations envers Allah et tu penses que lui, le dirigeant, va être meilleur et qu'il va faire tout ce qu'il doit faire. Il ne va pas respecter, il ne va pas manquer à ses devoirs et à ses obligations. Ça, c'est pas être réaliste. Hein? Donc, il faut bien comprendre que si on veut que les choses changent, ce n'est pas par les méthodes des gens de Bid'a, comme la révolte et les manifestations et les choses de ce genre, c'est plutôt en se corrigeant soi-même, en faisant des efforts sur soi-même, individuellement, sur notre maison, sur notre famille, et puis par la suite, avec la da'wa, petit à petit on change notre rue, notre quartier, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, Inch'Allah, les choses s'améliorent petit à petit. Et également, un grand principe parmi les principes d'Ahlus Sunnati wal Jama'a par rapport aux dirigeants, c'est de leur donner la nasiha, de leur faire parvenir la nasiha et le bon conseil, et d'être sincère envers eux, et de vouloir leur bien, et de leur indiquer le bien. Hein? Al-nasiha, ça c'est un fondement parmi les fondements très importants qui ont rapport avec l'attitude qu'on doit adopter envers les dirigeants. Hein? Contrairement aux khawarij, encore une fois. Donc ça, c'est des choses, tu vois, il y a des gens qui, quand on parle de tous les autres sujets, ils sont contents, hein, ils sont d'accord. Quand tu arrives à ce point, parmi les fondements de Ahlus Sunnah, là, tu vois, ils débarquent, hein, ils quittent le train. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent seulement qu'est-ce qui est en accord avec leur passion, parmi les fondements de Ahlus Sunnah, et qu'est-ce qui est contraire à leur passion, ils le rejettent. Donc ces gens-là ne sont pas sur la voie d'Ahlus Sunnah, et ce ne sont pas des salafis, même s'ils se prétendent salafis. Ensuite, le point numéro 5, qui est relié aussi avec ce sujet, al-aslu al-khamis wa min usul ahli sunnati tahrim al-khuruj ala wulati al-umur, ala wulati umur al-muslimin idha irtakabu mukhalifatan dun al-kufri li'amrihi sallallahu alayhi wa sallam bita'atihim fi ghayri ma'siyatin ma lam yahsul minhum kufrun bawah bikhilaf al-mu'tazila الذين يجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولم يكن كفرا ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أمر هو أعظم المنكر لما يترتب عليه من المخاطر من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء وتسلط الأعداء. Donc ce point numéro 5 c'est le point un des points parmi les points de Ahl Sunnah wal Jama'a, l'interdiction de se révolter ou de sortir contre les dirigeants musulmans même s'ils ont commis des contradictions avec l'islam qui n'atteignent pas le degré du kufr akbar. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les obéir dans tout sauf dans le péché, tant qu'il n'y a pas de leur part un kufr qui est clair et apparent. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé à ce sujet-là, il l'a dit, فَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكْ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكْ وَأُخِذَ مَالُكْ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. Il a dit, écoutez et obéissez, même si on vous frappe votre dos, même si on vous prend vos biens, écoutez et obéissez. Et dans un autre hadith, il a dit, يعني, إِلَّا أَنْ تَرَوْ كُفْرًا بَوَاحًا. Hein? إلا أن تروا كفرا بواحا فيه من الله برهان. Donc c'est-à-dire vous devez écouter et obéir aux dirigeants qui fait des péchés et qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait de l'injustice. إلا أن تروا كفرا بواحا, excepté si vous voyez un coffre clair au sujet duquel vous avez une preuve, hein, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, c'est permis de sortir contre le dirigeant s'il fait un coffre bawah, comme c'est mentionné dans le hadith. Toutefois, les ulama mentionnent que même dans ce cas-là, il y a des conditions. C'est pas tu le vois qui fait un kufr bawah, automatiquement ça veut dire que c'est permis de se révolter ou de sortir contre lui. Non. Même dans ce cas-là, il faut regarder si les conditions sont présentes et qu'on est capable de le faire sans créer de désordre et sans ramener l'effusion du sang des musulmans et sans l'atteinte de l'honneur des musulmans aussi. Donc, si on voit que le fait de le retirer du pouvoir, ça va amener un mal plus grand que le mal du fait qu'il est présent au pouvoir, eh bien dans ce cas-là, on doit s'abstenir de se révolter ou de se rebeller contre lui et le laisser au pouvoir jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous le remplace par quelqu'un de meilleur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là, de nous le remplacer par quelqu'un de meilleur, ou bien de l'améliorer lui, hein, de faire qu'il se repente à Allah et qu'il revienne à la foi. Donc ça, c'est des exemples, hein, de la façon dont les salafs regardent ces questions-là, contrairement aux mu'tazila qui ordonnent le fait de se rebeller contre les dirigeants lorsqu'ils commettent des grands péchés, même si ce n'est pas quelque chose qui atteint le degré de kufr, et ils considèrent que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Alors que, on sait très bien que ce qu'ils font, comme le cheikh il dit, en réalité, c'est le plus grand du mal, le plus grand mal. C'est ça, c'est le fait de se rebeller contre les dirigeants. Pourquoi? Parce que il y a des conséquences et des répercussions à ça qui sont plus dangereuses encore. Comme par exemple, le désordre dans la société qui s'installe par la suite et la division, la divergence entre les musulmans et le fait que les koufars en profitent par la suite pour prendre le pouvoir sur les musulmans et pour contrôler les musulmans. Et on voit que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Hein? On n'a pas besoin d'aller loin parce que ça se produit en ce moment. Et on est tous témoins de ça. Hein, dans qu'est-ce qui se passe dans les actualités. Le point numéro 6, al-aslu sadis min usuli ahli sunnati wal jama'a, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kama wasafahum Allah bidhalika fi qawlihi ta'ala lamma dhakara al-muhajirin wal ansar wa athna alayhim, qala ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Donc le cheikh il explique que parmi les fondements d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, le sixième c'est que il faut avoir le cœur en paix et la langue également, exempter notre langue de parler au sujet des sahaba en mal. On n'a pas le droit de parler des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en mal ou d'avoir quelque chose dans notre cœur contre eux. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants dans le Coran lorsqu'il a mentionné les muhajirin et les ansar, il a mentionné qu'ils n'ont rien contre les croyants, contre les croyants qui les ont précédés dans la foi. Il dit, et ceux qui viennent après les muhajirin et les ansar, ils disent, ô notre Seigneur, pardonne à nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans notre cœur de l'animosité ou de la rancune contre ceux qui ont cru, ô notre Seigneur, tu es certes le clément et le miséricordieux. Donc ça c'est des exemples de la position d'Ahlus Sunnah wal Jama'a au sujet des Sahaba. De même que on se base aussi sur l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « N'insultez pas mes compagnons, parce que par celui qui tient mon âme en sa main, si l'un d'entre vous dépensait une quantité d'or comparable à la montagne de Uhud, ça n'aurait même pas la valeur de la poignée d'une main ou la moitié de la poignée d'une main de ce que donne un sahabi en sadaqa, hein, à cause de leur mérite et à cause des sacrifices qu'ils ont faits pour cette religion. Contrairement, le cheikh dit « Khilafan lil mubtadi'a » من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم ويرون أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب. Le cheikh il dit également, contrairement aux gens de bid'a comme les rafida, les shi'a, hein, les shi'atul rafida, qui insultent les sahaba et qui pensent que c'est une bonne action de les insulter et qu'ils ont des hasanat, ils pensent qu'ils ont des hasanat chaque fois qu'ils disent que, et chaque fois qu'ils les insultent, et non seulement ils les insultent, ils les déclarent même kuffar. Ils les déclarent kuffar, les sahaba. Et ça, c'est dans leur livre. Hein? Ils disent qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les sahaba sont devenus des apostats, des murtaddoun, parce qu'ils n'ont pas accepté Ali radiallahu anhu comme étant le premier des khulafa. Pour eux, ça, c'est un acte de kuffar. Hein? Et à cause de ça, ils les considèrent tous kuffar. Hein? Wal'iyadu billah. Et le cheikh il dit donc que les rafida et ainsi que les khawarij, eux aussi, qui insultaient les sahaba et qui niaient leurs bienfaits et leurs mérites. Parce que les khawarij, ils ont tué plein d'entre les sahaba aussi. Hein? Ils ont tué Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Hein? Et c'est comme ça que la fitna des Khawarij a commencé aussi, hein? Avec le fait de critiquer le dirigeant. Ils ont critiqué les meilleurs d'entre les hommes, les Sahaba. Ils les ont accusés de ne pas juger par la loi d'Allah, alors que c'était eux qui jugeaient le plus par la loi d'Allah, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc ils ont tué Uthman ibn Affan, ils ont tué Ali radiallahu anhu. Hein? C'est les Khawarij qui ont tué ces Sahaba. Hein? Et les sahaba les ont combattus. Ali radiallahu anhu, il les a combattus à Nahrawan. Il a combattu les Khawarij al-Haruriya, qui pensaient qu'en tuant les sahaba, ils faisaient le djihad et qu'ils se rapprochaient d'Allah en tuant et en égorgeant les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est à quel point la bid'a peut égarer quelqu'un et l'aveugler, hein, jusqu'à ce qu'il commence à tuer et à égorger les sahaba et à croire que ça c'est une ibadah et à croire qu'ils se rapprochent d'Allah en faisant ça. Hein? Donc c'est grave. Et aujourd'hui, les Khawarij, les Takfiriyin, ils ont la même position que les Khawarij à l'époque, même pire encore que l'époque des Sahaba. Parce que les Takfiriyin et les Khawarij à cette époque, qu'est-ce qu'ils s'imaginaient? Ils s'imaginaient qu'ils comprenaient mieux l'islam que les Sahaba. Et qu'ils avaient plus de ilm que les Sahaba, plus de ibadat. Ils étaient trompés par la quantité d'adoration qu'ils faisaient. Hein? Ils s'imaginaient qu'ils étaient plus pieux que les Sahaba. Et donc, ils les ont combattus. Aujourd'hui, les Takfiriyin, c'est qui est-ce qu'ils déclarent kuffar en premier? C'est les ulama. Ils font le takfir des ulama. Hein? Parce que les ulama sont pas d'accord avec eux. Donc, parce qu'ils voient que les ulama sont pas d'accord avec eux, ils les déclarent kuffar. Hein? Ils pensent qu'ils comprennent mieux l'islam que les ulama de l'islam. Et c'est pour ça que quand vous les voyez, souvent c'est des jeunes, ils apprennent l'islam sur internet, hein, ils connaissent pas les ulama, ils n'ont aucun respect pour les ulama, et chaque fois tu leur mentionnes un alim, lui c'est un kafir, lui c'est un kafir, lui c'est un kafir. Donc tous les ulama pour eux sont des kuffars. Et tu leur dis c'est qui les ulama? Ils disent c'est Ben Laden. Ou bien ils disent c'est je sais pas qui d'autre encore parmi les égarés et parmi les ignorants. Ils disent Ben Laden, qu'est-ce qu'il a étudié? Il a étudié en Angleterre, qu'est-ce qu'il a étudié? Il a étudié l'islam ou l'administration ou d'autres sciences parmi les sciences de la dunya. C'est pas un alim. Hein? Et si c'était un alim, avec quel ulama, avec qui il a étudié? Déjà, il a fait le takfir des ulama, alors comment il pourrait avoir étudié avec ou prétendre être l'élève des ulama s'il a fait lui-même le takfir des ulama? Hein? Donc ça, c'est l'égarement des gens qui se réfèrent à des ignorants pour apprendre leur religion. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, ensuite, donc le cheikh il dit, donc ça c'est la voix des Khawarij qui insultent les Sahaba et qui nient leur mérite. Et les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a considèrent que après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le khalifa c'était Abu Bakr radiyallahu anhu, puis ensuite Omar, puis ensuite Uthman, puis ensuite Ali radiyallahu anhum ajma'in. Et si quelqu'un d'entre les hommes, attaque ou insulte le khilafa de l'un d'entre eux, alors il est plus égaré que l'âne de sa famille. Il est plus égaré que l'âne de sa famille parce qu'il a contredit le texte de la révélation et le consensus des musulmans sur le fait que ceux-là sont les khulafa, les successeurs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon cet ordre qui est mentionné. Hein, dans lequel ils sont venus. Comme par exemple, Sayyid Qutb, hein, une des têtes parmi les gens qui ont appelé au takfir à notre siècle, et qui est une des têtes de l'égarement parmi les gens de la secte des Ikhwan, al-Muslimin, et dans son livre, il dit que le khilafa de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, c'était un vide ou un trou entre les autres khulafa. En voulant dire que son khalifa, c'était, ça méritait pas d'être un khilafa par rapport aux autres. Et il ramène dans ses livres des insultes de ce que les rafida et les khawarij ont dit à propos des sahaba. Donc ça, c'est l'égarement de cet individu et de ceux qui le suivent. Et il y a un des ulama parmi les ulama de notre époque, parmi les têtes de Ahlus Sunnah wal Jama'a à notre époque, qui est le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Il a écrit un livre qui s'intitule Mata'in Sayyid Qutb ala Sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un des meilleurs livres à ce sujet-là. C'est-à-dire les attaques et les insultes de Sayyid Qutb contre les Sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous connaissez l'arabe, hein, je vous encourage à vous le procurer et à le lire, parce que c'est un livre très important et très intéressant, et jusqu'à ce que, inshallah, il soit traduit en français, on espère, un jour, et puis que vous pourrez en profiter et lire, même si vous n'avez pas l'arabe, au moins pouvoir en profiter. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, puis on continuera après le Maghreb, la suite des fondements qui sont mentionnés par le Cheikh parmi les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a.